Chapitre 136. Problème de voisinage. Encore une fois réduit à 15, le groupe québécois doit composer pour ne pas perdre la raison et surtout le moral. Après les difficultés financières, c'est le terrain qui fait défaut aux gens du pays. Leur avenir est compromis. Une exclusion de la prochaine fête footballistique mondiale pourrait presque leur rendre un service. Le prochain match ne sera pas facile dans cette arène assez modeste. C'est à Ontario, en Californie, que le match de préparation se déroulera. Nommé à la gloire de leur enfant chéri, London Donovan, ce stade répond aux normes exigées et semble être une extraterrestre à côté des stades pharaoniques que la eSports Fédération souhaite imposer partout dans le monde. La technologie est présente dans ce stade, car en 2056, c'est primordial pour pouvoir organiser un match de football. Mais à part sur le terrain, les réseaux mobiles sont inexistants en tribune. L'objectif des constructeurs était de pousser les supporters à s'intéresser aux jeux proposés sur le terrain, sans aucun artifice en tribune. Le terrain devient bien rouge en cas de hors-jeu. De plus, les distances des murs à placer pendant les coups francs sont bien signalées par les cercles imaginaires. Car depuis plusieurs décennies, les arbitres ont jeté la traditionnelle bombe à aérosol. Popularisé il y a 42 ans, ce spray avait donné quelques idées aux ingénieurs voulant faire évoluer le football. Comme lors de ces jeux vidéo, un rond d'un rayon de 9,15 m apparaît sur le sol et les joueurs doivent se placer derrière. Si quelqu'un dépasse la ligne, le terrain devient rouge et le coup de pied arrêté est à rejouer. C'est donc le moral dans les chaussettes que la délégation québécoise ira défendre ses intérêts auprès de la eSports Fédération. Surtout qu'aucune solution ne semble avoir été trouvée pour sauver la peau du Québec au prochain mondial. L'aventure des gens du pays est donc difficile à sauver. 8 millions ont subitement disparu et sont réclamés par les gendarmes financiers. Ceux-ci ont été plutôt cléments et ont accordé un petit sursis d'une semaine à condition d'être discrets. Les Québécois devront faire profil bas pour préparer leur prochain match et trouver une solution pour reboucher les manques financiers. Le Québec n'a pas encore été exclu du prochain mondial, mais Internet a découvert que la eSports Fédération a un plan secret. Pour remplacer la sélection de Killer Crush 23, une autre nation a été sondée. Pour le moment, aucun nom n'a filtré, mais tous les plans sont envisagés. Mais le Québec n'a pas dit son dernier mot. Ils n'ont toujours pas la raison du blocage de l'argent et doivent 8 millions. La London Donovan Arena a pu accueillir sa première rencontre de haut niveau. Les États-Unis n'ont fait qu'une bouchée des Québécois. Et les pronostics n'ont pas menti ce soir, puisque le score est sans appel, 5-0 pour la Team USA, avec un triplé de l'ancien Québécois, l'Iroquois de Vegas. Chapitre 137. Un pavé dans la mare. Un nouveau scandale va secouer la préparation québécoise pour le prochain mondial. La fin du match contre les États-Unis n'est pas de tout repos. Alors qu'il passait devant le parcage visiteur, le buteur américano-iroquois et ex-québécois a reçu un projectile en pleine face. Il est sonné et cloué au sol. Le staff médical arrive tardivement et met en danger les jours du joueur des Golden Stars de Vegas. Il est toujours sans mouvement, la tête en sang, après avoir reçu le pavé lancé des tribunes québécoises. La délégation du Québec devrait être discrète, mais c'est assez mal parti. Le coup est impardonnable, surtout que les diagnostics médicaux sont très pessimistes pour le Wendette. Les 100 supporters québécois sont entendus par la police et les caméras de surveillance sont visionnées afin de trouver le coupable. Celui-ci est vite trouvé et risque de coûter la vie d'un joueur de football et de réduire à néant les chances de qualification de son équipe au mondial. Le fautif est à peine arrêté par les forces de l'ordre que Romain et Totov 76 reçoivent un appel de la eSports Fédération qui leur envoie une convocation. Leur sursis est annulé. Ils doivent donner la coquette somme de 8 millions dès demain. De plus, ils ne souhaitent pas que la nation qui a vu ses supporters agresser un joueur adverse soit au mondial 2056. Le Québec a tout perdu ce soir à Ontario. Le match, un joueur, une image positive des supporters et peut-être la prochaine qualification à la Coupe du Monde 2056. Il fallait être discret, défi totalement perdu. Les images tournent en boucle sur le net. On voit le supporter québécois proférer des insultes racistes envers l'attaquant américain et lui lancer un pavé sur le haut du crâne. La toile s'agite et s'intéresse aux coupables et surtout au comportement inacceptable des supporters des gens du pays. On reparle du cauchemar qu'a vécu le Wendat face à l'Alaska, ce qui a entraîné son abandon de la sélection québécoise. L'épisode avait été discret sur le net. Aujourd'hui, il explique pourquoi ce joueur, en particulier, a été la cible de ceci. Le coupable s'exprime enfin sur la toile. Il présente ses excuses auprès de la victime et enchaîne sur les causes de son geste. Il accuse le groupe de supporters dont il est membre de l'avoir poussé à cette haine. Il dénonce des discours assez extrémistes des gérants. La vue du joueur Wendat les aurait rendus fous et le coupable a jeté ce qu'il avait dans les mains. Il n'avait pas l'intention de le toucher, mais, selon lui, son geste a été applaudi par ses partenaires de tribune. De plus, il accuse les mauvaises conditions de la tribune des visiteurs. Placé en plein soleil, enfermé 2 heures dans le stade avant et après la rencontre. Il dénonce un traitement zoologique des organisateurs américains. Plusieurs supporters québécois auraient fait des malaises et auraient été laissés par les services de sécurité. Tout ceci a joué dans le comportement idiot de celui qui a lancé un pavé sur le joueur américain. Chapitre 138 à fleur de peau. Le verdict est tombé. L'attaquant international américain des Golden Stars de Vegas est décédé après avoir reçu un pavé sur la tête en passant devant la tribune québécoise. Admis aux urgences jouxtant le stade où avait lieu la rencontre, il souffrait d'un traumatisme crânien à son arrivée sur les lieux. Il est décédé un peu plus tard des suites de ses blessures. Le Québec compte dans ses supporters un criminel. De quoi refroidir la eSports Fédération concernant une nouvelle clémence sur les finances des gens du pays en vue du prochain mondial. Sans cet argent, le Québec devrait rapidement faire une croix sur leur première participation à une compétition internationale de football. Mais un témoignage sur Internet pourrait aider la sélection de Killer Crush 23. Un membre du groupe taxé de racisme indique ne pas connaître le criminel. Cette affirmation est confirmée par une cinquantaine de personnes. La ISF décide donc de lancer une enquête sur ce mystérieux supporter québécois. Son nom est inconnu des bases de noms de supporters québécois. Il n'est même pas inscrit dans la liste des personnes ayant réservé une place pour le match entre les États-Unis et le Québec. Qui est-il? Que fait-il dans cette tribune? Dans cette incertitude, la ISF souhaite annuler la convocation du Québec pour se concentrer sur l'enquête du tueur du joueur Wendat. Les dirigeants québécois ont donc encore une semaine pour trouver les 8 millions. À condition qu'aucun autre scandale ne vienne ébranler l'image québécoise. Le lendemain, un entraînement est organisé avec la sélection québécoise afin de débriefer sur les lacunes affichées face aux États-Unis. Le prochain match amical est prévu dans 5 jours et ce sera face à une ancienne gloire du football mondial, la Russie. Disparue du ballon rond depuis le fiasco du mondial 2050, la Russie essaye de se refaire une santé et un nom dans le paysage mondial. Le Québec est prenable, et c'est le bon moment pour eux. La sélection est toujours aussi compétitive, et la pression du tsar est toujours présente. Ils sont prêts à tout pour revenir sur le devant de la scène. Pendant l'entraînement, 2 joueurs disputent un duel un peu musclé. Caribou 123 tente de calmer les esprits, mais ils n'y arrivent pas. Un spectacle inadmissible, que la ISF ne devrait pas avoir vent, car c'est encore l'image du Québec qui serait ternie. Lorsque les joueurs sont réunis, il est demandé de taire cette rixe en attendant la prochaine convocation du Québec. Chapitre 139. La taupe. L'entraînement est à peine terminé que l'information est déjà publiée sur Internet. Une taupe est présente dans cet effectif, un joueur prêt à tout pour nuire aux gens du pays. Quelques heures après cet article choc, une autre information filtre et cela ne fait pas état d'autre chose qu'une vulgaire dispute. L'information devait être secrète, mais la taupe québécoise l'a rendue publique. Le killer guette est balancé. Dans un premier temps, l'information fait état des problèmes avec la justice suisse qui ont fait quitter Killer Crush 23 de son poste de coordination de la sélection helvétique. Mais dans un second temps, il expose la théorie des blessés de mars 2050, Killer Crush 23 est présenté comme étant un canard boiteux. L'informateur secret se demande même si Killer Crush 23 va aller au mondial en chaise roulante. Il fait également état d'une haine envers la IS Sports Fédération, coupable de sa blessure. Le Toulousain ne souhaitait pas rendre ceci public afin de ne pas agiter la scène mondiale. C'est raté. La taupe annonce plusieurs autres informations. Les 8 millions récoltés par les internautes auraient été utilisés en frais médicaux et n'ont pas été versés à la IS Sports Fédération. Les 22 autres millions ne seraient pas très propres. Il se demande comment un vulgaire spécialiste sportif comme Romain et un homme politique peuvent détenir cette somme. Les comptes d'un club amateur fondé par les deux tombeurs du plan 166 sont totalement dans le rouge. Comment peuvent-ils mener une équipe vers le mondial? La IS Sports Fédération prend très mal ces informations, vraies ou fausses. Il décide de raccourcir les délais. Le Québec va devoir rendre des comptes dès demain. Ils devront prouver que l'argent de Romain et Totov 76 est propre, donner les 8 millions restants et prouver que les dires du mystérieux informateur sont faux. Dans quelques jours, on saura si le Québec va disputer le Mondial 2056. Il faut alors faire le suivi du virement effectué il y a quelques mois afin de savoir où a bloqué l'argent offert par les internautes. À l'époque, seul l'argent de Romain et Totov 76 avait été encaissé en cash, les autres liquidités devaient arriver quelques semaines plus tard. Il faut alors se retourner vers les généreux donateurs. Ont-ils été débités? Par qui? Justement, le témoignage d'un bienfaiteur de luxe va pouvoir faire avancer les choses. Après une conférence Skype avec celui-ci, Totov 76 décide qu'il les accompagnera à la séance de la commission. Chapitre 140 : L'effet d'une bombe. Parmi la liste des sponsors individuels figure une ancienne célébrité. Un ancien rappeur avait vidé ses bourses pour aider la sélection québécoise. C'est ce dernier qui a souhaité alerter Totov 76 que son virement a été encaissé. Après quelques recherches, il a trouvé la destination et surtout le nom du fautif. À croire les Québécois, c'est une bombe qui va pouvoir exploser. Quel scénario va nous présenter le staff québécois? Quel dénouement vient nous exposer cet investisseur? Qui aurait intérêt à mettre des bâtons dans les roues de la sélection de Totov 76? Est-ce un futur adversaire qui souhaite éliminer un concurrent dangereux? On pense à Fightson et la Belgique qui veulent filer vers le titre mondial. L'essor du football québécois pourrait être trop risqué pour eux. Le joueur absent de la finale au Mondial 2050 est-il capable de tenter un coup aussi sale? Une personne comme Kobe a-t-elle récidivé? Après s'être fait passer pour un richissime homme d'affaires, il s'était fait démasquer. Il avait ensuite l'occasion de devenir une idole en jouant pour la sélection québécoise. Son rêve est parti en fumée après sa blessure. A-t-il entraîné le Québec dans sa chute? Les deux sauveurs du Québec sont des malins. En effet, Totov 76 et Romain sont des anti-e-sports fédérations. Quel serait leur intérêt en dirigeant une nation sur le terrain de leurs ennemis? Pourquoi irait-il alimenter une équipe business dans un football business? Aurait-il piraté et détourné la somme qui aurait dû être versée à leurs rivaux? En cas de forfait du Québec, la e-sports fédération sera sûrement contrainte à aller chercher un remplaçant digne de ce nom. Les rumeurs se confirment sur une candidature d'une ancienne gloire du ballon rond. Pas avare des coups bas, la Russie serait capable de tout pour revenir sur le devant de la scène. Détourner des fonds, priver le Québec du mondial et se placer en sauveur, c'est tout à fait dans leur corde. La vérité est tout autre. La séance est terminée, la commission a bien entendu le témoignage et a rendu son verdict. Totov 76 sort de l'audit et souhaite s'exprimer publiquement. Ses mots sont simples. Il annonce que le Québec n'a pas pu donner l'argent à la fédération. Ils savent qui est le coupable. En ce sens, le Québec ne participera pas au Mondial 2056. Stupeur dans le monde du football. C'est officiel. La nation qui était au centre de toutes les attentions n'ira pas défier la Belgique et la Chine au premier tour. Chapitre 141 : Les raisons. Tutov 76 continue son intervention et est suivi par des milliards d'amoureux du football. Ce qu'il va annoncer va faire l'effet d'une bombe. L'exclusion officielle du Québec est déjà choquante, mais ses révélations à venir sont troublantes. Il a le visage très marqué, les larmes sont proches, mais il se retient. Mais Tutov 76 n'a pas le temps de s'exprimer que son allocution est perturbée par un piratage informatique. Son micro se coupe et toutes les personnes branchées pour l'écouter ont un signal brouillé. Dès le retour des images, on voit un homme masqué s'exprimant derrière un bureau. La voix modifiée, il explique être derrière toutes ces manigances. Envoyé par une sélection concurrente, il devait faire chuter le Québec afin que la eSports Fédération fasse appel à eux pour le remplacer au pied levé. Pour les faire tomber, rien de mieux que d'être en immersion. C'est pour cela qu'il s'est incrusté dans le staff québécois. Dès l'annonce de la bouée de sauvetage lancée par les fans, il a proposé son aide à la sélection nord-américaine. Une aide qui leur portera préjudice. Alors que tout le monde se pose des questions sur l'identité du traître, il retire son masque et il s'agit de... Killer Crush 23. Si le Québec venait à être exclu de la compétition, c'est la Suisse qui devait être repêchée. Étant le coordinateur de la sélection helvète, il s'est donné tous les moyens pour atteindre son but. Tout ceci est passé par l'opération plombage du Québec. Tous les coups étaient permis. Intimidation, réduction de l'effectif, incitation à la haine, révélation des réseaux sociaux, matchs de préparation catastrophiques et même envoi d'un faux supporter devenu meurtrier. Le Québec a eu une mauvaise image auprès des observateurs et surtout vis-à-vis de la eSports Fédération. Comme il a pu le prouver ce soir, il est un as dans le piratage et a pu s'emparer de la somme donnée par les internautes et notamment le rappeur. Cette valise n'a jamais été transmise à la eSports Fédération. Killer Crush sort une mallette et dit que l'argent nécessaire est dedans. Grâce à cette somme, la Suisse ira au Mondial et se donnera tous les moyens pour aller sur l'île de Pâques remporter cette édition 2056. Killer est désolé pour les supporters, mais il a fait exprès de semer la pagaille avec l'arrivée du joueur Wendett. Ceci allait faire passer les Québécois pour les gens racistes et détestables. Le Québec n'a que ce qu'il mérite. Il décide de démissionner de son poste au Québec et dit qu'il n'a pas réussi sa mission. Chapitre 142, l'échec. Killer Crush 23 a déçu une nation entière. Il a enfoncé les gens du pays pour servir l'équipe nationale suisse. Mais les intérêts de Killer sont tout autres. Après être passé pour le pire des déloyaux personnages, il sait que son image va changer aux yeux des amoureux du football. Il continue son discours en répétant qu'il est désolé, mais sa mission a échoué. Au milieu de toutes ces magouilles, il a eu un drame. Sa blessure est la révélation du mal incurable dont il souffre. Après avoir vu ceci, le monde s'est écroulé pour lui. Il ne savait plus quoi faire du reste de sa vie. Il ne savait même pas s'il allait survivre jusqu'au Mondial. À ce moment, il a eu une main tendue, et celle-ci appartenait à Tutov 76, accompagnée de la famille québécoise. À partir de cet instant, il a eu des remords sur ce qu'il était en train de faire. Le mal était déjà fait, les fonds étaient déjà détournés, il ne pouvait s'arrêter là. Mais il restera reconnaissant à vie envers le Québec. Cette reconnaissance, Tutov 76 s'en fiche. Killer 23 a mis un rêve sous terre, le Québec ne participera pas au prochain mondial. À cause de lui, l'ancien territoire canadien devra repasser des éliminatoires dans 2 ans pour le mondial 2058. Un parcours si dur à accomplir qu'il en devient presque impossible. Sans tout ce manège, ils étaient à 4 matchs d'un éventuel sacre mondial. Killer présente une nouvelle fois ses excuses auprès de la Suisse. Pourquoi ? Car il a échoué dans sa mission. Enfin, il explique qu'il a coupé la parole de Tutov 76 car ses informations étaient fausses. Après le passage du staff québécois devant la commission, Killer a rencontré la eSports Fédération pour leur donner l'argent sans que personne ne le sache. Ce cadeau a été accepté et le dossier a été validé. Killer Crush 23 a échoué dans sa mission et le Québec participera au Mondial 2056. Bien plus qu'une nation, c'est une famille qui ira défier les grands du football. Killer termine son intervention en souhaitant bonne chance au Québec. Un mondial qui se fera sans lui, car il a posé sa démission et il ne veut pas que quiconque doute de lui après l'entourloupe qu'il a effectuée. Il sera supporter des gens du pays, qu'il surnomme la nation passionnée de football. Fin de la vidéo. Tout-Off 76 est donc interrogé après ce retournement de situation. Au même moment, la EA Sports Fédération officialise la validation du billet québécois pour le Mondial 2056. Le patron de la nation, nouvellement renommé NPF, est ému et remercie les personnes qui l'ont aidé à en arriver là. Il a également quelques mots pour Killer Crush 23. La pilule a du mal à passer suite à la mauvaise ambiance mise au sein du staff et surtout le stress causé par ses incertitudes. Killer n'a pas hésité à mettre en péril une nation entière pour servir le concurrent. C'est un traître. Il sera très difficile de lui pardonner un jour. Mais comme il a pu le dire, le Québec est une famille. Et quelquefois, dans des familles, des membres font des choses insensées et tentent de se racheter. La famille va tenter de lui pardonner un jour. Il pourrait un jour oublier tout ça. À une condition. Faire gagner le titre mondial 2056 au Québec. Car oui, il est maintenu au poste de coordinateur du Québec.